Borgo Vecchio, Bardonecchia. C'est sa question de base. Donc, on se demande tous quel rapport ça peut avoir cette autoroute, ce tunnel avec Bardonecchia. Par exemple, au point de vue sonore. Question de base que je me pose, à quoi ça ressemble Bardonecchia d'un point de vue sonore?